Le purgatoire n'étant rien comparable au paradis ou à l'enfer, puisqu'à la différence de l'un et de l'autre, le purgatoire ne durera qu'un temps. Il n'est pas éternel et cessera d'exister à la fin des temps. Le purgatoire n'est donc pas une troisième voie alternative au paradis et à l'enfer. Il est le sas qui conduit l'homme, sauvé de l'ombre de son péché, à la lumière la plus pure. Nul n'est censé ignorer les enjeux de la vie d'après. Mon Dieu, pardonne-nous.